Cette fois-ci, je me ferai pas jouer le tour, je vais me verser un verre d'eau. Pas qu'on me le verse à la tête cette fois-ci. Eh bien, bonsoir mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à mon nom. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a beaucoup de nouveaux ce soir. C'est Daniel Bolduc. Et au nom de tout le personnel du Centre d'universalité, vraiment une bienvenue particulière pour les nouveaux. Tous les nouveaux auditeurs parmi vous ici ce soir, prenez note que le Centre d'universalité offre gratuitement la première partie de cette conférence de ce soir à l'achat du billet de la prochaine conférence de Daniel Kemp. La semaine prochaine, le titre... L'évolution se moque de l'expérience. Le prochain séminaire PMC1, offert à tous, une fin de semaine très intense. Avec Daniel Kemp, bien sûr, le 24 et 25 janvier 87. Vous vous adressez à Mario pour vous inscrire. C'est assez intéressant, le PMC, que même les PMC 2, 3, 4 et 5 y retournent pour assister au PMC 1. Journée spéciale pour le PMC+, c'est-à-dire ça s'adresse à tous les PMC déjà. Il y a encore des possibilités d'inscription et de réservation. Il y a conférence spéciale du mois pour les PMC, dimanche le 21 décembre à 13h30. Et votre carte est obligatoire. Pour ce soir, sujet qui semble, à prime abord, difficile d'approche, mais qui peut être très intéressant, et même voir une fête. Est-ce que Daniel nous parle de ses connaissances, ou bien s'il va nous parler de choses qui ne sont pas mortes pour nous parler de la mort? Sans plus attendre, accueillons Daniel. On finit par apprendre, hein? Eh oui. Eh bien, comprendre la mort sans souffrance. J'en souffre déjà. Oui, mais toi, ça ne m'étonne pas avec le karma que tu as. En tout cas, faites-moi pas un karma, là. Alors, pourquoi souffre-t-on de la mort? Et pourquoi est-ce qu'on pourrait ne pas en souffrir? Il y a plusieurs questions qu'on peut poser. Comment comprendre la mort? Est-ce que c'est nécessaire de mourir? Est-ce que c'est réellement une mort en ce sens, disparition totale? Est-ce que c'est nécessaire de souffrir? Est-ce que c'est utile à la personne qui meurt, la souffrance de ceux qui restent? Est-ce que c'est utile la souffrance de ceux qui restent, tout simplement? Il y a plusieurs questions qu'on peut poser. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui ont perdu des personnes proches. J'ai travaillé évidemment avec des personnes qui mouraient et des personnes qui étaient dans l'arrêt cardiaque qu'on a réanimées. Bon. La mort est une condition essentielle à la vie. Lorsqu'un être vit, évidemment, il est assujetti à la mort. C'est le prix que l'être humain paye. C'est le prix d'ailleurs que la vie fait payer à ceux qui se servent d'elle. C'est qu'à un moment donné, la vie est reprise. Maintenant, est-ce que l'être humain... Pour comprendre, disons, le phénomène de la mort, parce qu'évidemment, comprenant la mort telle qu'elle est, ça permet d'arriver à pouvoir moins souffrir la mort de quelqu'un ou notre propre mort. Maintenant, le problème, ce n'est pas nécessairement de comprendre une théorie de la mort. Parce que, étant donné que chacun d'entre les humains ne peuvent pas expérimenter la mort de leur vivant, c'est-à-dire qu'une condition essentielle à l'expérimentation de la mort, c'est de mourir. Et lorsque l'on meurt, évidemment, on n'est pas là pour le dire, ce qui se passe.

pour la simple raison que l'esprit qui, à un moment donné, a été terrestrifié, ce qui vous a constitué vous, a créé un monde, l'âme, le monde de la mort, donc le ciel, qui reflétait d'une façon adaptée à l'humain la réalité cosmique. Donc, lorsque l'homme a des contacts avec le ciel, ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité, mais ça y ressemble. Étant donné que l'être humain, pour daigner vouloir manger de la mort comme l'humain en a mangé sa planète, donc souffrir, il devait perdre la mémoire de sa provenance, parce qu'il n'y a pas une seule intelligence qui viendrait ici souffrir comme c'est là, puis non, il s'en retournerait plus maudit. C'est ce que Lucifer a voulu faire. Lucifer a voulu donc amener l'humanité à évoluer plus rapidement. C'est un guide de lumière, parce qu'effectivement, elle était lumineuse. Et ce n'était pas ce que l'homme devait faire. Il y a eu donc des problèmes, disons, de gestion à l'époque, au niveau administratif, et puis l'humain s'est ramassé sa planète. L'être humain doit expérimenter un corps physique, un corps vital, un âme. L'âme gère le plan mental. Le plan mental, votre intellect qui est du mental assujetti à vos émotions, devient libre à un moment donné dans l'évolution de l'homme transitif. Et à un moment donné, on se retrouve avec ce contact instantané où on a le corps physique et toute la panoplie de l'homme, mais avec suffisamment d'intelligence pour comprendre ce qu'on l'on fait sur le plan terrestre et sur le plan, disons, cosmique. Alors, à partir de cet instant, l'humain va accepter ce qu'il fait ici. Alors, il ne se suicidera plus, il ne voudra pas mourir, mais évidemment, il n'aura pas peur des mécanismes cosmiques parce qu'il va les comprendre. Présentement, l'être humain restant dans cette ignorance qui est temporaire, qui est expérientielle, pour connaître, il faut qu'il expérimente. Alors, évidemment, ça complique, ça ralentit les choses, mais ça l'oblige à cristalliser de l'esprit, donc de l'intelligence dans le corps de chair. Et plus cela va, plus l'homme, et la femme évidemment, se dirige vers ce contact où il pourra évidemment comprendre la mort sans souffrir. Il n'y aura plus de problème, parce que la mort, il saura que ce n'est qu'une illusion. Alors on va faire une pause. Si vous avez des questions, vous les écrivez, et on va... Faites en soi que j'ai l'air d'un gars qui s'est lié.